Le badminton est de retour après les mondiaux. Une grosse semaine de bad partout dans le monde. On va se concentrer sur le Hong Kong Open, un super 500 très relevé où il s'est passé beaucoup de choses, notamment côté français. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally! I'm the bad guy. Take that! Et je suis, comme d'habitude, avec Benoît. Salut Benoît! Salut Ewan, bonjour à tous. Benoît, je m'attendais, je vais pas vous le cacher, alors déjà, content d'être de retour puisqu'on a fait une petite semaine de pause avant, après les mondiaux, après cette excellente semaine de mondiaux, et je vais pas te le cacher, je m'attendais à une petite reprise un peu tranquille. Je me suis dit un super 500 post-mondiaux, ça va être tranquille, mais en fait beaucoup de stars avaient fait le déplacement, ce qui en fait, comme je l'ai dit dans l'intro, un 500 très relevé. Et mine de rien, il y a quand même quelques enseignements, pas mal de retours. On voit on va pouvoir analyser ceux qui ont été déçus par les mondiaux, comment ils ont fait, ceux qui ont bien performé, comment ils ont fait, et finalement bah ça va pas être un épisode si tranquille que ça et si court que ça. Ouais, c'est clair. Je m'étais dit que le début, pareil que toi, que le début de la tournée, voire peut-être même toute la tournée, serait bon, un peu gueule de bois post-mondiaux. Honnêtement, c'est pas le tournoi de l'année, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs qu'on va pouvoir débriefer ensemble. Complètement. Et on va commencer tout de suite par le simple homme. Le simple homme et la victoire de Li Shifeng. Le chinois, vous allez voir que ça va pas mal, c'est un thème qui va revenir. 21-15, 21-12 contre l'indien Lakshya Sen. Li Shifeng était tête de série 2, Lakshya Sen il était même pas tête de série. Benoît, sur le match qui a plutôt bien commencé avec un Lakshya Sen aux manettes, mais qui a petit à petit disparu du match, et Li Shifeng, comme on le disait, je crois que c'était dans notre débrief des mondiaux, on va y faire évidemment beaucoup référence, et je le disais un peu juste avant, lui, il fait partie clairement de la catégorie des déçus, puisqu'il a perdu au premier tour. Là, sur ce match, comme sur cette semaine, on a eu le Li Shifeng qu'on aimerait avoir toute l'année, qui a un niveau, je pense, de top 5 mondial. Malheureusement, il le montre souvent sur des tournois moins relevés comme celui-là. Ouais, bah tu parlais des déçus, mais même des décevants. Honnêtement, quand on a débriefé du tournoi, oui, on était peu surpris de sa sortie de piste, j'ai envie de te dire, un peu hâtive, mais en même temps, c'était correspondant à ce qu'on voyait de lui. C'est son deuxième titre cette année en Super 500. Honnêtement, c'est pas assez pour un top 5 mondial. Quand on le voit jouer comme il a joué cette semaine, on se dit, waouh, ouais, c'est quand même un mec sérieux. Alors, je reste quasi persuadé que c'est pas au niveau des 2-3 meilleurs mecs du circuit encore. Mais ouais, quand il joue à ce niveau-là, c'est top 5 mondial. En finale, il a complètement étouffé, je trouve, Lakshya Sen, qui a un peu existé au début, qui a même un peu fait la course en tête, mais qui s'est vite fait étouffer par le rythme imposé par Li Shifeng, ou plutôt le non-rythme. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, je trouve que c'est un énorme regret de voir ça 2 semaines après les mondiaux. Surtout que le pic de forme, on voit bien que s'il joue à ce niveau-là, là, c'est qu'il en était pas loin il y a 15 jours, ou alors vraiment la Chine s'est ratée. Benoît, est-ce que finalement, j'y réfléchissais pendant que tu parlais, mais est-ce que Li Shifeng, tu vois, il performe sur des tournois, alors ça va un peu, le contre-argument c'est qu'il a gagné le All England il y a quelques années, mais est-ce que c'est pas un peu le fort avec les faibles et faible avec les forts, un peu au niveau de l'adversaire, mais aussi au niveau du grade de tournoi, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il éclate tout le monde sur un tournoi mineur, et tu vois, genre, ça, je vais l'avoir à l'œil la semaine prochaine sur un tournoi un peu plus relevé, ce sera un 750 en Chine, parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, j'ai l'impression. Ou alors peut-être que c'est qu'il gère un peu mal, peut-être qu'il donne trop sur les tournois mineurs, je sais pas. C'est une bonne question. Après, oui, il y a ce Super 1000 All England en 2023 où je vais pas dire qu'il sort un peu de nulle part, mais c'est sa première vraie grosse saison sur le circuit. Il y a un peu l'effet surprise. Depuis, pour moi, j'ai pas tout en tête, mais pour moi, il a gagné des 500. Peut-être qu'il y a une finale en 750 ou deux, mais il n'y a pas de titre au-dessus de 500. Donc, effectivement, pour un joueur du top 5 mondial, c'est dur de dire tournoi mineur quand on parle d'un 500. Mais ces joueurs-là, ils viennent gagner des 750, des 1000, des championnats du monde, des championnats d'Asie. Et effectivement, bah, on peut se dire que ta théorie, elle a du sens. Ouais, on verra ce qu'il fait la semaine prochaine. Et Benoît, pour l'Akshasen, on en avait déjà eu des bribes avant les mondiaux et on avait regretté, toi et moi, qu'ils prennent Shiyoshi au premier tour, même s'il avait opposé une belle opposition, mais malheureusement, on l'a pas vu beaucoup s'exprimer parce que contre un Shiyoshi à ce niveau-là, il n'y avait pas grand-chose à faire pour personne. Mais même si là, il prend un peu cher en finale, on a le retour d'un très très bon Lakshasen, je trouve. Il fait une grosse semaine. Benoît, peut-être on peut en parler en plus des victoires qui vont compter pour lui, notamment contre Pranoy, mais surtout contre Shetty, la jeune star indienne. Lui, en le battant, il a montré qu'il était encore là. Et voilà, je trouve que ça fait plaisir aussi de le revoir à ce niveau-là, Lakshasen, parce que lui aussi a eu un gros passage à vide où il passait plus un tour nulle part. Bah, clairement, il est 20e mondial aujourd'hui, c'est beaucoup trop loin de son niveau là, de cette semaine, même des mondiaux où il marque pas de points parce qu'il prend Shiyoshi au premier tour, mais il était vraiment à un niveau intéressant. Pareil, à Macao. S'il prend Shiyoshi au premier tour aussi, Benoît, pardon, je te coupe, mais s'il prend Shiyoshi au premier tour, c'était aussi un peu de sa faute parce qu'il avait pas le niveau avant, quoi. Bah, c'est ça. Maintenant, c'est sûr qu'avec le niveau là, Lakshasen, c'est pas un 20e mondial. Je suis curieux de voir un peu s'il va être capable de garder cette forme là. Très intéressant. Et pareil, t'as mentionné ses victoires. Ayushetti, son compatriote, pour moi, même si c'est pas un mec encore du top 20, top 30 mondial, c'est une vraie référence. C'est clair, il bat Ayushetti en quart, on y reviendra peut-être. 21-16, 17-21, 21-13. Benoît, les Français, et après on parlera des différentes têtes de série. On va évidemment commencer par Christo Popov qui a fait encore une grosse semaine un peu dans la lignée de ce qu'il produit actuellement. Au premier tour, il affrontait Ginting, que son frère avait battu au premier tour des mondiaux. Lui aussi le bat dans un match un peu similaire au niveau du score. 19-21, 21-17, 21-19. Le pauvre Ginting, il va en avoir marre de prendre des pop-off au premier tour. Derrière, il enchaîne facilement contre un qualifié malaisien. 21-17, 21-19, même si facilement, il s'est fait un peu peur quand même, mais victoire en 2-7. Et derrière, le match contre Low Kinyu, le Singapourien, victoire de Christo, 21-18, 9-21, 29-27, un match où il a sauvé, il me semble, 5 volants de match dans le troisième set, et lui, il a dû s'y reprendre à 4 fois, ou à 3 fois, pour conclure ce match, un match assez dingue. Benoît, je ne sais pas si tu veux dire un mot des deux premiers tours, peut-être du match contre Ginting, mais je sais que tu auras des choses à dire pour ce quart. Gros niveau de jeu, Christo, on n'est pas... On n'est plus surpris parce que c'est sur la lignée de ses mondiaux, mais c'est sur la lignée aussi des derniers mois, des dernières sorties. C'est sur la lignée d'un mec qui vient de rentrer dans le top 10 mondial et qui est encore très fin. Cette victoire contre Low Kinyu, elle témoigne aussi d'un gars qui a tout qui tourne dans son sens, ou en tout cas beaucoup en ce moment, je trouve, parce que ça aurait pu tourner des deux côtés, mais ça tourne pas du côté de Low Kinyu. Il prend des bancs de Low Kinyu assez sévères. Voilà. Après les deux premiers tours, oui, Ginting, moi ce que je retiens surtout, c'est que Ginting revient à un vrai niveau. Il va falloir gagner quelques matchs pour monter au ranking, mais ouais, niveau très intéressant. Après, Christo, c'est devenu un top 10 mondial. C'est chiant, c'est ultra chiant de le prendre au premier tour d'un tournoi comme ça, et il fait une énorme semaine. Défaite pour lui en demi contre Li Shifeng, 21-18, 21-19, un score... Benoît, peut-être un poil trompeur, parce que Christo, à chaque fois, revient sur les fins de set. Mais c'est ce que je disais un peu sur le Discord, c'est que Christo, il peut pas juste perdre comme tout le monde. Il peut pas prendre 12 et 13 ou 14 et 15. Il veut encore nous faire un petit frisson. On peut pas s'ennuyer devant un match de Christo. Et il a failli nous le prouver en faisant une grosse remontada. Là aussi, il met des bandes en plus. T'as l'impression que à partir du moment où il y a eu match, point de match contre lui, il est devenu invincible. Malheureusement, c'était pas le cas puisqu'il a fini par le perdre. Mais le mot qui me vient en tête, c'est quand même logique. Li Shifeng était bien au-dessus. Enfin, bien au-dessus. Au-dessus sur ce match. Et, même s'il avait l'air... je pense qu'il a un peu tremblé au moment de conclure. Et il avait l'air plus soulagé qu'autre chose à la fin du match. Allez, dans le jeu, c'était logique. Je partage totalement ton avis. C'est vraiment un truc qui m'intrigue avec ce gars. C'est que je trouve que la frontière entre... Il est en pleine maîtrise et il s'endort avec son propre rythme, parce que Li Shifeng, il a quand même ce truc de mettre un non-rythme dans le match, ou en tout cas un rythme plutôt faible, Je trouve que la frontière elle est vraiment faible et au Mondiaux je trouve qu'il est tombé du mauvais côté, alors que toute la semaine là c'est juste qu'il a parfaitement maîtrisé ce qu'il imposait à ses adversaires. Et ouais, le score est presque un peu flatteur pour Christo parce qu'il a quand même été bien dominé dans ce match. Mais Benoît, ce que tu dis sur la frontière entre il maîtrise et il s'endort, moi je le vois un peu chez Shiyushi aussi, alors à un niveau supérieur tu vois, oui, mais oui. Comme c'est des mecs en plus qui montrent pas grand chose, des fois le match commence à leur échapper et toi tu le sens pas vraiment venir. Et c'est vrai que j'ai un peu la même chose pour ces deux Chinois. Voilà, mais bilan évidemment très très positif pour Christo qui fait encore une grosse grosse semaine. Et j'ai vu que là actuellement il était cinquième il me semble du World Tour Ranking, donc les résultats sur l'année et surtout qui permettent de qualifier pour les World Tour Finals. Donc s'il continue comme ça, il sera dans les 8 et ça fait très très plaisir. Première fois pour lui il me semble. Pas d'Alex Lanier et déception côté Thomas Junior Popov, défaite 21-12, 21-17 alors qu'il était tête de série face au Malaisien Justin Ho dès le premier tour. Benoît, coup dur pour Tommy pour le coup. J'avoue que vu son tableau, alors il y avait Lizidia, mais Lizidia on en reparlera, qui s'est fait sortir au premier tour, mais je l'attendais au moins en quart quoi. Petite déception. Ouais, pareil, petite déception, pas vraiment dans son match, ça arrive très très rarement avec Tommy, surtout face à un mec qui est largement en dessous de lui au ranking, à mon avis, largement en dessous de lui en termes de niveau constant. Ouais, petite déception, elle pique un peu celle-là. Alors, pour les autres, Benoît, on va commencer par... Alors, on n'avait pas de Shiyushi, pas de Vitiçar, mais on avait Victor Axelsen. On l'a pas eu pendant longtemps, puisque le champion du monde, double champion du monde et double champion olympique, a perdu dès le premier tour contre Kodai Naraoka. J'allais dire adversaire très très difficile contre lequel reprendre. Alors, je m'étais dit, Benoît, avant le match, alors je me suis dit, quand t'es Axelsen, tu prends la tête de série 5, puisqu'Axelsen n'était plus tête de série, forcément. Je m'étais dit, ça c'est un coup dur. Mais je me suis dit, Naraoka, finalement, si tu vas prendre une tête de série, c'est peut-être le meilleur, parce qu'au moins, tu sais que tu vas taper un peu le volant. Sauf que là, en plus, il a pris le Naraoka qui n'avait pas envie de trop traîner, ce qui arrive quand même pas souvent. Et du coup, bah, Axelsen, il a pris 21-15, 21-7. On l'a senti hésitant, on l'a senti pas vraiment dans son match. Évidemment, on va pas le juger, même lui, il s'est focalisé sur le positif, ce qui est compréhensible. Mais voilà, on va devoir attendre un peu tout Axelsen qu'il est. Il va pas éclater tout le monde dès qu'il va revenir. Ouais, je pense qu'on n'en est pas à se dire ouais, « Est-ce qu'on le reverra jouer des victoires finales dans des grands tournois ?» Je pense que le sujet, il est très loin de ça. C'était une reprise très difficile. On l'a senti hésitant, pas au top physiquement. Du mal à mettre des choses en place. Oui, face à un mec qu'on aurait pu imaginer bon à prendre, ça n'a pas vraiment été le cas quand même, après coup, mais bon, il faudra être patient et il va falloir que lui soit patient, parce que je pense que prendre 15 et 7, même face à Naraoka, c'est ultra frustrant pour un mec qui a eu son niveau. En plus, apparemment, il était malade quand il est revenu, donc bon, les conditions n'étaient pas vraiment réunies. On va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Mais c'est vrai que Benoît, c'est intéressant. Toi, tu le vois pas même à moyen long terme. Tu le revois pas jouer des finales sur des grands tournois. Alors, si c'est ça que t'as compris, c'est pas ça. Je disais juste que c'est un peu tôt pour avoir ce genre d'analyse. Ah oui, ok. Très bien. Je sais pas si j'ai cette analyse-là. Honnêtement, là, après avoir vu un match de Victor Axelsen, je veux dire, ça n'aurait aucun sens. Je dis juste, ouais, c'est trop tôt, quoi, pour dire ça ou pas le dire. La semaine prochaine, il joue, cette semaine, si vous nous écoutez vers la sortie de l'épisode, il joue Wang Zhengxing, le jeune chinois. Ça va être intéressant aussi, mais c'est peut-être plus abordable déjà que Naraoka. Pour les autres donc, Benoît, on n'a pas encore parlé de Chu Tianchen, alors que pourtant, un super 500, on est sur son terrain de chasse, évidemment qu'il est là, et évidemment qu'il va loin. Il a battu justement Wang Zhengxing au premier tour, puis Kieran George à Louis Farhan, histoire de montrer à la nouvelle génération qui est encore le patron, avant de tomber face à Lakshya Sen, 23-21, 22-20. Il perd les deux sets sur deux grosses bandes bien dégueu. Mais Benoît, soutient une chaîne. Jill Clark était encore en train de dire difficile de croire qu'il a 35 ans. Et c'est vrai que il est toujours là et fait encore une bonne grosse semaine. Ouais, c'était pas les championnats du monde vétérans, hein, parce que on rappelle quand même que ce gars-là, il pourrait probablement être champion du monde dans une autre catégorie. Il préfère encore taper des mecs de 20 piges à Hong Kong, donc ouais, non. Bah, il est au premier, lieu d'aller je crois, se dorer la pilule à Pattaya. Ouais, c'est ça, il préfère... bon, après, à Hong Kong, il y a pire, mais ouais, il doit être premier du classement ouais. Pour les finals. En fait, il est là où on l'attend, quoi, en demi de ces tournois-là. Après, tu prends Alakshya Sen qui, pour reprendre les termes de certains, a eu un peu de chat sur les fansets, mais ouais, il est à sa place. Très, très clairement, ouais. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de... Bah, alors, on en a déjà parlé vite fait, mais la nouvelle génération, les 2005, là. Alors, il n'y a pas Alex Lanier, mais Farhan, Chetty, dont on va parler de plus en plus, surtout ces deux-là, je pense. Comment tu les as... Ils font tous les deux quarts de finale. Comment tu les as trouvés? Ils prennent leur marque sur le circuit. Voilà comment je les ai trouvés. Moi, je suis surtout intrigué par ce que va faire Ayu Chetty à Louis Farhan. J'ai moins de doutes, honnêtement. Mais je suis curieux de savoir comment ils vont s'installer, quand aussi il va y avoir ce plafond qui a touché Naraoka, qui touche Miyazaki chez les filles, qui a touché un peu tout le monde. Parce que ça va arriver, les mecs vont s'adapter à eux et vont les connaître mieux. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer quand ça va arriver et quand ça va arriver. Voilà, j'ai parlé de Lokinyu. Benoît, Lizidia, alors lui c'est comme Axel Sen, mais c'est au pire, c'est que je pense qu'il va falloir être encore très très patient avant de voir un Lizidia. Là, il perd 21-16 contre son compatriote Leong Junao. Il va falloir être très très patient avant de le voir en capacité de gagner plusieurs matchs d'affilée, et là pour le coup même un seul match. Ouais, c'est clair. Voilà, et pour finir, si vous vous demandez ce que devient Wei Gongyang, qui avait été étincelant contre Alex au Mondiaux, vous inquiétez pas, il est bien rentré dans le rang avec une défaite au second tour, il est retourné dans ses standards, il est très content je pense. On enchaîne tout de suite avec le simple dame. I'm the bad guy. Take that! Benoît, avec Wang Zi et Han Yue en tête de série 1 et 2, il y avait peu de doutes, a priori, sur le fait qu'on allait avoir une finale sino-chinoise, et on l'a eu. Et un classique entre les deux, et souvent, les deux se rencontrent, et à la fin, c'est Wang Zi qui gagne, et cette fois, ça l'a encore été le cas. Victoire 21-14, 24-22. Benoît, Wang Zi, qui est aussi à mettre, je pense, dans les déçus et décevantes des mondiaux, avec sa défaite dès les 8e, je crois, contre PV Sindhu. Là, elle gagne un 500 où elle était archi-favorite, et un match que j'ai trouvé, alors... Surtout le deuxième set, parce que le premier allait très vite dans son sens, mais un très beau deuxième set. J'aurais pas dit non à un troisième, ce que Han Yue a eu l'occasion de faire, puisqu'elle a eu plusieurs volants de set, mais c'était assez sympa ce match entre les deux. Elle s'est pas fait écraser comme la dernière fois, Han Yue. Ouais, exactement, elle s'est pas fait écraser comme la dernière fois. Malgré tout, tu sens qu'il y a un peu une domination et un truc psychologique qui s'est un peu installé entre les deux. C'est déjà la troisième finale cette année qu'elle joue, et ben ça fait 3-0, mais je crois qu'elle s'est... Est-ce que c'était Han Yue au final? J'ai un doute sur la chinoise que c'était, mais oui, enfin, Wang Zi, ouais, enfin, je crois que c'était... J'ai regardé, je l'avais noté, c'est sa 8e finale cette année sur le circuit, alors c'est que son 3e titre, mais 8 finales, oui, clairement, quand on la voit gagner là, cette semaine, et jouer à ce niveau-là, les regrets sont énormes sur ce qu'on a vu au Mondiaux. Très clairement. Est-ce qu'elle a eu un peu de pression aussi? Peut-être. Mais en tout cas, ouais, gros regret avec le niveau de jeu qu'elle a montré sur cette finale et sur cette semaine de la voir sortir si tôt à Paris. Oui, Benoît, pour répondre à ta question, c'était bien la finale des finals en décembre dernier. Et Han Yue a pas battu sa compatriote depuis novembre 2023. Depuis, elles se sont jouées 7 fois, et là, elle est sur une série de 7 défaites consécutives, ça fait un peu mal. Voilà, on continue avec le simple dame. Pas de française dans ce tableau, donc on va parler un peu des têtes de série. Même si voilà, Wang Zi a un peu roulé sur tout le monde. La seule qui l'a mise en danger, et à savoir qui lui a pris un set, c'est sa compatriote Gao Fangjie, une autre chinoise, en quart de finale. Ben non, on peut parler peut-être de Michelle Lee qui fait une bonne semaine au Mondiaux. On l'avait trouvée assez forte aussi. Et là, je trouve qu'on reste un peu sur ce niveau. Elle bat la jeune japonaise Minami Suizu, puis la tête de série 3 Panpawi Shoshubong. Ensuite, Zhang Beiwen dans le match des Nord-Américaines en quart de finale. 16-21, 22-20, 21-17, avant de perdre face à Wang Zi. 21-16, 22-20. On retrouve une Michelle Lee vraiment performante en ce moment. Ouais, et qui va faire son retour probablement dans le top 15 mondial, si mes calculs sont bons, c'est mérité. Je suis assez content de voir les deux Nord-Américaines à ce niveau-là. Ça faisait un bail qu'on les avait pas vues jouer à ce niveau-là en même temps. Et c'est assez cool de voir qu'elles peuvent aller au bout là, de Super 500, parce qu'on oublie, mais elles sont plus toutes jeunes non plus. Donc ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est d'autant plus impressionnant pour en fait les deux. Oui, c'est vrai que Michelle Lee, je la voyais pas si âgée entre guillemets, mais elle a 33 ans, ce qui est pour une joueuse, et Zhang Beiwen 35. Évidemment, c'est pas vieux, ne vous méprenez pas, mais en simple dame, on arrête quand même assez rapidement, on arrête assez vite. Donc c'est assez rare de voir des joueuses évoluer à plus de 30 ans honnêtement. Donc c'est cool de les voir à un bon niveau. PV Sindhu, qu'on avait vu très en forme aux Mondiaux, perd des premiers tours contre Christopher Said. Voilà, la bonne réalité du circuit mondial où elle perd 21-19 au troisième contre Lynn Christopher Said, la danoise. Tomoka Miyazaki perd de façon assez surprenante contre la taïwanaise Ling Xiangti en quart de finale de ce tournoi. Donc c'est vrai que, un peu comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Miyazaki, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais elle est en train de prendre d'atteindre un petit peu un plateau de sa carrière, dur. Il faut qu'elle arrive à passer la vitesse, quoi. Ouais, c'est ça. On attend encore. C'est une défaite surprenante, mais à l'image de ce qu'on voit depuis plusieurs mois, et c'est dur. Elle n'est pas nulle, parce qu'elle gagne des matchs, quand même, et elle maintient son classement, ce qui est déjà pas mal, mais il va falloir passer la petite marche, là. Voilà. Autre trentenaire, Ratchano Quintanon perd en quart de finale contre Han Yue, et une joueuse qu'on a mentionnée tout à l'heure, Mia Blichfeldt, perd au premier tour contre Cao Fangjie. Benoît, je pense que on a fait le tour pour le simple dame, au moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, je pense qu'on a fait le tour. On passe donc au double homme. Aimez-vous le badminton? Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Double homme remporté par les vice-champions olympiques en titre Liang Wang. Ils étaient têtes de série 6 et ils ont battu les têtes de série 8, les Indiens Ranki Reddy et Shetty. Match en 3-7, 19-21, 21-14, 21-17. Benoît, quand on parlait ce match juste avant d'enregistrer, tu me disais que t'avais trouvé ça sympa, mais que les deux paires avaient jamais vraiment réussi à jouer en même temps. Un peu un match qui a un rythme un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est ça. On a vu quelques beaux points, mais en vrai, il n'y a pas eu. Je sais pas, moi je m'attendais à mieux. En plus, c'est deux paires qui ont des jeux qui font que normalement on se régale vraiment au même moment. C'était une très bonne finale de 500, mais les quatre joueurs sont capables de mieux en même temps. Benoît, même si je pense que. Alors, j'allais dire, les deux paires étaient très contents d'être en finale. Ranki Reddy Shetty, ils n'avaient pas fait de finale sur le circuit depuis 2 ans, je crois. Je me demande si la dernière fois, d'ailleurs, c'était pas le test event des IFB. Ah non, il y a eu le Thailand Open depuis, le Thailand Open 2024, ce qui remonte un peu quand même. Ils avaient battu Chen Liu. Mais bref, pour Liang Wang. Je pense qu'on s'en contentera parce que ça a été une période, et ils sont encore pas dans la période la plus facile de leur carrière. Cette année, ils avaient fait finale à Orléans sur le 300. Voilà. Désolé, mais leur dernier titre, c'est Denmark Open il y a un an quand le contexte pour leur carrière était très très différent. Donc je pense qu'ils vont être bien contents, même si c'est qu'un 500. Pour eux, ça représente beaucoup, je pense. Pour eux, et puis bon, on l'a vu à la façon dont ils ont célébré il y a un an quand ils gagnaient tout. Oui, ils célébraient, mais là c'était quand même quelque chose. Et surtout, en fait, leur niveau de jeu, tu les sens. Moi, je les ai sentis impliqués cette semaine, alors que franchement, l'implication, c'était le dernier des mots qui me venait pour parler d'eux depuis. J'ai dit 6 mois, mais si je dis 6 mois, je suis généreux. À Paris, c'est pas qu'on les a sentis pas impliqués, honnêtement, aux championnats du monde, on les a sentis juste moins forts à ce moment-là. Contre les mêmes Indiens, d'ailleurs. contre les mêmes Indiens d'ailleurs, mais je suis quand même très heureux de les revoir jouer à ce niveau-là. Même si, bon, on pourra revenir sur leurs adversaires si tu veux, mais à part cette finale, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des vrais tests? Probablement pas. Et Benoît, toi qui aimes les stats et les questions, combien cette année, combien de titres en double homme pour la Chine au-dessus des Super 100? Au-dessus des 100? Au-dessus des 100 en double homme pour la Chine. Ouais, je sais pas, tu mets dedans, du coup tu mets les, oh, les 300, je les ai pas tous, mais est-ce qu'il y en a plus que celui-là? Je vois non, pas qui en aurait gagné. C'est le premier de l'année. Ouais. C'est le premier de l'année et c'est, il était temps qu'il arrive quand même. Hein, parce que je peux te dire que des tournois joués, il y en a eu. Et quand je vois certaines paires qui en ont gagné, je me suis dit que du côté de la CBA, on devait se dire... alors, il y a les Malaisiens qui en ont pris beaucoup et Kim Seo qui prennent les gros. Mais bon, derrière, il y avait quand même un peu de la place. Et c'est le premier titre de l'année pour la Chine au-dessus des Super 100 en double homme. Et Benoît, Ranquiré Dichetti, tu les as trouvés comment? Ils font médaille aux mondiaux, mais je pense qu'ils auraient pu, voire dû, aller en finale. Là, ils ont eu que des matchs en 3-7. Premier tour, deuxième tour, quart de finale, ça a été difficile. Un peu moins en demi. Et en finale, c'est pas pour eux, mais ouais, tu les as trouvés comment? Parce que eux aussi, ils sont plus ou moins sur le retour et on scrute un peu leurs apparitions pour un peu savoir leur niveau. De retour au quasi meilleur niveau, moi je trouve. Honnêtement, à Paris, j'ai envie de dire cet exploit contre Liangguang. Ouais, pour moi, de retour à leur meilleur niveau, c'était leur première finale cette année. Évidemment, j'ai envie de te dire, la médaille au championnat du monde, tu peux espérer quoi comme meilleur retour? Et surtout, la qualité de jeu. Oui, il y a des trucs à améliorer, mais comme il y avait avant, enfin honnêtement, là tu me montres un match de quand ils sont au top, il y a quoi, on peut dire maintenant un an et demi, deux ans, et aujourd'hui je sais pas si je vois beaucoup de différence, tu vois. Benoît, que dire des frères Popov qui perdent au premier tour contre Chen Lin 21-14, 21-12? C'était vraiment pas la semaine de Tommy parce que, comme en simple d'ailleurs, ils perdent pas souvent sur ce genre de score au premier tour, quel que soit l'adversaire. Vrai, après Chen Lin, ils nous sortent une semaine où derrière ils gagnent 30 Venus contre Lane Vendy et bon là je les dédouane les Popov, mais honnêtement j'ai vu ce match, je te le disais, c'est un des rares matchs que j'ai vu en entier cette semaine, j'étais là en mode mais attends, mais cette paire elle est, depuis quand elle est top 10 mondiale, j'étais pas au courant, personne m'avait dit, donc honnêtement il y a des jours comme ça, il y a des paires où bah c'est chiant parce que tu sais pas d'où ça sort, tu sais pas pourquoi, on les reverra jamais à ce niveau-là, je pense. Ouais, c'était pas la semaine de Tommy, mais là, honnêtement, il y avait pas grand-chose à faire, je trouve. Mais Benoît, on peut toujours faire confiance à Chia et So pour faire pire. Défaite au premier tour contre Lane Vendy, 21-13, 21-13. Bon, Benoît, au Mondial, on pouvait leur trouver les excuses qu'on voulait, mais ce qui est dingue avec cette paire, Benoît, c'est qu'il y a quelques mois, quand ils battaient Kim Seo et tout, on était en mode « Ah, ils gagnaient au Thailand Open sur le 500, ils gagnaient à Singapour sur le 750 », on était en mode « Ah, enfin, ils ont mis de côté les défaites au premier tour décevantes qui sortaient nulle part et tout ». Et là, j'ai l'impression que on en avait déjà eu un petit extrait avant les Mondiaux, mais là, ils sont retombés clairement dans leur travers, les Malaisiens. Après, je vais pas commencer à faire le gars. Hein. Quand à Paris, avec la forme dans laquelle ils arrivaient, pour moi, ils étaient prétendants à au moins une médaille. Et je dis vraiment au moins une médaille. Ce qu'ils ont montré à Paris et la défaite plus que prématurée, je pense que là, il y a une gueule de bois quand même. Au-delà de ce qui peut se passer dans la paire, okay. L'implication des deux, j'en sais rien. Mais je pense que à Paris, ils sont arrivés pour être champions du monde. Ouais, mais dans la tournée qui avait la tournée asiatique pré-mondiaux là, celle de août, juillet, ouais. On avait déjà eu pour moi des petits signes qui étaient pas encourageants pour moi, et j'ai l'impression qu'ils sont un peu retombés dans leur travers. Alors après, pour le coup, eux c'était la paire tellement capable de sortir à un niveau de fou sur une semaine comme ils l'avaient fait quand ils ont été champions du monde d'ailleurs, mais pour le coup pas cette fois. Les Malaisiens pas à la fête dans ce tableau, parce qu'en dessous on a Hong Teo sorti au premier tour, Manti sorti au deuxième tour. Les meilleurs ça a été Arif Yap qui sont allés en quart avant de perdre face à Rankir et Dicetti, puisque Go Izzudin ont également été décevants. Ils étaient tête de série 2 et pourtant ils perdent au deuxième tour contre les frères Lee, les Taïwanais. Benoît, Go Izzudin, j'ai l'impression que c'est un peu comme Astrup Rasmussen, c'est-à-dire que à partir du moment où ils sont passés numéro 1 mondiaux, il y a une sorte de malédiction qui est tombée sur eux. Ouais, après, je suis curieux de savoir si la malédiction elle existera aussi pour les Coréens, mais je pense que c'est des pères qui étaient un peu trop pour ce qu'elles valaient vraiment et qui l'ont payé un peu. Bah non, Astrup Rasmussen, justement, défaite 21-19, 23-21 dès le premier tour. Là, ça commence à faire beaucoup. Alors, eux, ils ont, entre guillemets, un peu sauvé leur saison parce qu'au Mondiaux, ils se sont fait exploser en demi. Mais bon, ça change pas qu'ils ont quand même le droit à leur médaille. Mais là, il va falloir voir comment ils vont finir l'année parce qu'ils sont un peu en roue libre. Hein. Leur bilan 2025, il est vraiment pas bon. Bah, ils sont un peu en roue libre et puis surtout, les frérots, ils vont défendre des points parce que il y a quoi, la finale au Danemark, les finals qu'ils ont gagné, je crois. Ils ont gagné les finals. Est-ce qu'il n'y a pas en Finlande où ils font une finale ou un titre? Ouais, c'est très possible. Si on fait le calcul, on vient au moins de parler de 30 000 points à défendre avant la fin 2024. 30 000 points, je sais pas où ça te fait redescendre. Bon, ils vont pas tout perdre d'un coup, évidemment, mais je sais pas où ça te fait redescendre si t'en perds ne serait-ce que 15 000. Mais ouais, attention à la fin de saison qui peut coûter cher. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ils font finale en Finlande contre Go Izzudin, justement, qui était dans leur période intouchable. Prime. Donc ça va faire pas mal de points à défendre. Et au Danemark, en 2024, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font finale aussi. Ouais, donc ouais. Déjà, il va falloir charbonner rien que pour aller en finale de ces tournois-là s'ils ne veulent pas perdre de points. Benoît, est-ce que tu veux parler de quelqu'un d'autre? On n'a pas trop parlé du bas du tableau, c'était la partie de Liang Wang. On a Oki Kobayashi qui ont perdu contre Gautama Isfahani au deuxième tour. Les frères Lee qui étaient pas mal parce que mine de rien, ils vont en demi alors que c'est une paire souvent qui est plutôt middle. Deux paires taïwanaises en demi puisqu'il y avait Chen Lin qui ont perdu face à Rankir et Dicetti. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'ai bon espoir que la fédé thaïlandaise se dise que Kedren n'est plus un joueur de bad. Ouais, moi c'est... ça me rend... Alors, en ce moment, pour avoir un Ucro, il n'est pas bon non plus, ça c'est le problème. Non. Mais Kedren, compliqué aussi. Hein. On enchaîne avec le double dame. Look at this, look at that. Double dame, victoire chinoise également. Et quand c'est pas une, quand c'est pas les unes, c'est les autres. Pas de Liu Tan en finale, mais Jia Zhang ont fait le travail. Elle gagne contre Iwanaga Nakanishi 21-17, 21-15. Il s'agit, Benoît, de leur premier titre de l'année, leur deuxième titre de l'année après le Swiss Open. Elle reste un peu en dessous de Liu Tan, on va en parler, notamment elles ont perdu aux Mondiaux. Mais ces derniers temps, on voyait un peu la courbe de progression de cette paire. C'était assez certain que les titres allaient pas tarder à suivre. Benoît, cinquième finale de l'année pour elle, seulement deux titres, mais je pense que c'est les premiers d'une assez longue série, je pense. Ouais, je le pense aussi. Elles font aussi médaille au championnat d'Asie non, cette année, mais elles étaient peut-être pas en finale. Je dis peut-être une bêtise. En tout cas, il y a au moins deux défaites contre Liu Tan dans les finales dont tu parles cette année, et elles les battent en Suisse, si j'ai bonne mémoire. Donc, il y a aussi le fait de qui tu joues en finale. Je pense que les mondiaux sont arrivés un peu vite, on en parlait dans la preview, on en a reparlé dans le débrief, un peu vite par rapport à leur courbe de progression. Curieux de voir ce qui se passe aux prochains mondiaux l'année prochaine, parce que je serai vraiment devant ma télé quand tu auras le rematch entre les deux paires chinoises s'il y est, et je le souhaite, parce que vraiment, Jia Zhang, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je vois le potentiel d'une paire qui a un plafond pas encore atteint. Ah, moi aussi, très très clairement, ouais. Zhang Shuxian m'impressionne, Jia Yifan, on savait déjà qu'elle était monstrueuse, parce que dedans, en plus, moi, il n'y a pas que leur finale, mais il y a toute leur semaine, là, elle lâche un seul set, ouais. Alors... De manière un peu inexplicable, c'est contre les Américaines Corbett Guy. Mais tu vois, genre, le 14 et 11 qu'elles mettent à Tantina en demi. Terrible. Jiazhang, elles n'étaient pas là pour rigoler. Hein, contre des vice-championnes du monde, c'est... Ouais, ça rigolait pas. Benoît, défaite de Liu Tan, il faut forcément qu'on en parle. Et en plus, contre Hirokami Obara au deuxième tour, une défaite qu'on attendait vraiment pas. Les Japonaises, en plus, qui derrière ont battu Li Luo 22-20 en quart avant de perdre en demi. Mais on n'attendait pas cette défaite des championnes du monde. D'ailleurs, il me semble que c'est les seules championnes du monde dans tout tableau confondu qui étaient alignées sur ce Hong Kong Open. Donc pas de vacances pour Liu et Tan. Mais du coup, pas de vacances, mais on n'attendait pas une défaite aussi prématurée. Quelqu'un sur le Discord mentionnait le fait qu'à chaque fois qu'elles perdent, Liu Tan, à part cette fameuse finale de Swiss Open, c'est contre des Japonaises, donc peut-être que les Japonaises ont la recette pour les battre. Mais bon, elles ont battu aussi tellement de Japonaises que je ne sais pas si on peut partir là-dessus. Est-ce que simple accro post-fiesta championnat du monde, ou alors est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je t'avoue que je pense plutôt pour l'option 1 de mon côté. Ouais, je pense aussi. J'ai une autre option. Elle pensait que c'était à Pattaya cette semaine et qu'elles allaient pouvoir se régaler. Erreur de destination. Vraiment terrible. j'aime bien cette analyse. Pour le reste du tableau, la curiosité, elle était un peu côté japonais, parce que moi, j'avais envie de voir ce qu'allait donner cette nouvelle paire. Vous avez peut-être suivi ça, mais les mondiaux, c'était le dernier tournoi de Matsuyama, donc plus de paire Matsuyama-Shida, mais Chiharu Shida a trouvé une petite joueuse pas trop trop mal, Arisa Igarashi, l'ancienne partenaire de Watanabe, qu'on avait déjà vue à certaines occasions en double dame. Mais j'avais hâte personnellement de voir ce que ça allait donner. Et Benoît, défaite en quart de finale contre leur compatriote Iwanaga Nakanishi au 19 au 3ème. Mais elles battent notamment Ryu Ramadanti dès le deuxième tour, 16 et 19. Et c'est pour moi, Benoît, une paire pleine de promesses que je vais suivre d'assez près, je pense. Pareil, pour moi, potentiel de numéro 1 japonaise à très court terme. J'y crois vraiment fort parce que on a quand même beaucoup de joueuses exceptionnelles, mais beaucoup de recyclage ces dernières années dans les paires. C'est pas un mauvais terme, mais on a fait du neuf avec de l'ancien qu'on connaissait déjà. Ça fonctionne plus ou moins, mais pas au niveau des paires qu'on a eues il y a 4-5 ans. Celle-là, j'y crois beaucoup parce que Igarashi, je pense qu'elle peut apporter beaucoup aux doubles dames japonais. Moi, ce que j'ai vu surtout, au-delà du bat, c'est... J'ai vu Shida beaucoup sourire. Je peux vous dire que Igarashi, elle n'est pas là pour s'amuser, elle est vraiment là pour aller gagner des matchs et des tournois. Je ne dis pas qu'elle était en mode je ne suis pas copine avec Shida, mais Shida est quand même toujours très tout sourire. Igarashi, ce n'était pas du tout le mood de la semaine. Non, et je trouve qu'elle est arrivée affûtée, moi, elle m'a impressionné. Tu sens qu'elle a bossé. Hein. Et Benoît aussi, son arrivée à Igarashi dans le double dame, c'est aussi une bonne nouvelle pour son niveau, d'accord, mais aussi pour son style. Je trouve qu'elle a un style assez unique. C'est pas beaucoup de joueuses qui vont claquer des jump smash comme ça. Et je trouve que, voilà, même au niveau du style et de sa manière de jouer, de se déplacer, d'attaquer, je trouve qu'elle peut apporter aux doubles dames un peu un profil qu'il n'y a quasiment pas, quoi. Profil qu'il n'y a quasiment pas. En tout cas, elle est tellement forte que unique, ça on peut le dire. Mais tu faisais on en parlait tous les deux pendant les championnats du monde en off, et c'était très juste de ta part de dire attention quand même à l'adaptation qu'elle aura au double dame, parce que oui, le talent intrinsèquement et tout, évidemment, maintenant il va falloir s'adapter à ce tableau et tout, curieux de voir maintenant ni toi ni moi on remet en question son talent et son niveau intrinsèque, ça c'est sûr, mais quand même curieux de voir jusqu'où ça peut aller et qu'est-ce que ça peut donner avec Shida. C'est sûr que là, on l'a un peu vu contre Iwanaga Nakanishi, mais elle doit savoir qu'elle va jouer des paires qui remettent tous ses matchs et qui sont prêts à jouer 1h30, quoi. Et c'est un peu ça dont on va... Et il va falloir défendre aussi, même si, bon, quand t'as joué en mixte, normalement, tu sais plus ou moins défendre quand même. Hâte de voir ça. Benoît, peut-être juste un rapide mot avant qu'on change de tableau, mais je sais que tu critiquais plusieurs fois, en tout cas tu comprenais pas le changement de paire américaine en double dame. Corbett Guy, ça a l'air de tourner de mieux en mieux quand même, non? Ouais, après j'ai pas vu le match, donc je vais pas m'engager sur ce terrain. Maintenant je m'arrêterai pas, elles ont pris un set à une grosse paire. Je demande à voir sur la durée. Maintenant, en fait, Corbett Lee marchait tellement bien que pour moi, c'est plus ça qui avait peu de sens. Maintenant, écoute, je leur souhaite que ça marche aussi bien, voire mieux. Laissons du temps. Après, c'est dur de juger sur ce genre de match quel niveau elles ont. Ça marche. On attendra un peu, mais on vous fera des updates. Et on file l'avant vers le double mixte. Oh my goodness! Double mixte, une finale sino-chinoise pour terminer avec la victoire de Feng Wang 21-14 contre Guo Chen, tête de série 6. Benoît, je ne sais pas ce que tu en as pensé, je ne sais pas si tu as vu beaucoup de ce match ou pas. Je trouve que le score est un peu sévère et c'était pas si mal à regarder pour un match entre deux paires d'une même nationalité qui se finit à 21-14. Il y avait des trucs sympas. Ouais, il y avait des trucs sympas. Après, Guo Chen, on va pas mentir, on les a quand même beaucoup découvert cette saison, même si on les avait déjà vus jouer avant. C'est une paire qui est pas... Lui, il a quand même un vrai truc, profil un peu détonnant quand on se tape Jiang et Feng tous les week-ends. J'ai rien contre eux, mais pas tu le même dire délire. Tu veux dire qu'il fait pas 3m56 ? Voilà, et qu'il a d'autres trucs qu'envoyer des parpaings qui partent d'un gratte-ciel. Voilà pourquoi c'était intéressant. Maintenant, Guo Chen, ils ont quelques limites. Est-ce qu'ils vont être capables de les gommer? C'est plus ça qui m'intéresse. Parce qu'on parle quand même de la paire qui vient de gagner le All England cette année, qui fait une médaille au championnat du monde. C'est quand même très très sérieux. Donc est-ce qu'ils vont être juste numéro 3 chinois? Est-ce qu'ils vont être aussi numéro 3 mondiaux? Voilà, après Feng Wang, oui, ils ont quand même montré que. Alors, il y a eu cet échec des mondiaux, mais c'est quand même eux les patrons avec Jiang Wei, encore au moins en Chine. Ouais, Benoît, justement, je voulais t'en parler. Feng Wang, pour moi, tu parlais des décevants des mondiaux. Eux, pour moi, c'est quasiment tout tableau confondu, ceux qui m'ont le plus déçu. Là, et vraiment, devant cette semaine, ils ne perdent pas un set. Et je pense qu'ils prennent même pas 10, ils prennent même pas plus de 17 points dans un set. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils ont roulé sur tout le tableau. J'ai envie de dire, oui, c'est bien, mais il fallait faire ça il y a deux semaines, tu vois. Alors, pas qu'ils roulent sur tout le monde, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'étais un peu frustré, j'étais en mode, bah oui, mais vous étiez où? Vous étiez où avec ce niveau-là il y a deux semaines? Enfin, là, j'ai les deux individuellement, Feng et Wang, je les ai trouvés tellement meilleurs que ce qu'ils ont montré à Paris que je me suis dit, bah ouais, c'est bien, mais ce 500, désolé, mais on l'oubliera vite. Hein. Bah non, mais bah, c'est ce qu'on avait dit, Chiyushi, en arrivant aux mondiaux. C'est bien, frérot, t'as roulé sur la saison de tout le monde. Mais si tu perds en quart de finale des mondiaux, t'inquiète pas qu'on aura oublié ta saison 2025. En vrai, ils auront beau gagner tous les titres qui restent à gagner sur la fin d'année et même peut-être les finals, ce qu'on retiendra, c'est l'échec des mondiaux. Hein. Bah ouais, je suis d'accord. Bon, il faudra pas oublier que voilà, cette semaine, ils ont... Enfin, je dis ça, mais on l'oubliera, mais cette semaine, ils ont été quand même très très bons. Ils ont été très très oui, bons, oui, mais oui, j'étais un peu plus frustré qu'autre chose. Benoît, Jiang Wei, les médaillés d'argent aux derniers mondiaux qui perdent face à leur compatriote Guo Chen 21-19 au troisième. Est-ce qu'il faut y voir un signe que, comme tu le disais, Guo Chen, ils sont peut-être pas là juste pour être numéro 3? Est-ce que voilà, il faut y voir quelque chose de particulier ou pas? Est-ce qu'il y a le contre-coup des mondiaux aussi pour Jiang Wei, ce qui pourrait se comprendre? Ouais, le contre-coup des mondiaux, Jiang Wei, ils l'ont déjà eu pendant leur finale. Je sais pas si tu l'as oublié, mais contre-coup, et c'est le premier contre-coup pendant la compétition. Ouais, voilà. Non, honnêtement, je mets encore Jiang Wei au-dessus. Tu vois, je pense que juger sur un match, sur un quart de finale d'un 500, ce serait vraiment, ça n'aurait aucun sens. Maintenant, Jiang Wei, on les attend. En fait, j'ai envie de te dire, eux, pour le coup, il y a médaille mondiale, même si elle est pas d'or. On les attend pas sur un 500 Hong Kong. On aura oublié qu'ils ont perdu contre Guo Chen. C'est un peu pareil, tu vois. Benoît, je vais te faire un package avec deux paires qui, au Mondiaux, j'attendais avec une médaille autour du cou et qui sort partissant. Je te parle de Poivaranukro, Pai Sampran et Tang Tse qui étaient sur ce tournoi tête de série 4 et 5 et qui ont perdu contre la même paire, les Indonésiens Maulana Jamil, qu'on voit quand même de plus en plus passer des tours ces derniers temps. Bon, à la rigueur, Tang Tse, c'est peut-être un peu plus compréhensible, mais même si ça a été deux gros matchs en 3-7. Mais Benoît, Poivaranukro, Pai Sampran, ils avancent au ralenti. Est-ce que c'est depuis qu'ils ont pris la foudre contre Jikel Delru en finale de l'Indonesia Open, les Français les ont traumatisés? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Je pensais pas que t'allais me ressortir ce genre de truc. En tout cas, c'est décevant. À Paris, on les a vus, franchement... rentrer sur le terrain et ressortir aussi vite. Il n'y a rien eu, pas de révolte, pas de niveau de jeu. C'était ultra décevant. Là, il gagne un premier tour face à une paire de compatriotes, tu vois. Derrière, tu perds contre... Oui, une paire qui montre beaucoup de bonnes choses, mais en vrai, pour avoir un Ukropa et s'en prendre, la vérité, c'est qu'on en attend d'être top 3 mondial et de gagner tous les tournois sur lesquels ils vont. Donc oui, on est ultra déçus. L'explication, je ne l'ai pas. L'explication, on peut aussi se poser la question. Pour avoir un Ukro, ça commence... Il y a eu Taira Tanaka et on sait que c'était pas que lui le problème, mais est-ce que ses baisses physiques sont pas aussi très liées en fait à ses perfs, quoi? Il arrive pas à compenser autrement. Non, au final, il y a 10-15 ans, j'ai l'impression qu'on voyait beaucoup plus de joueurs. Il faudrait qu'on fasse sa stat, c'est intéressant ça. Faire deux tableaux. Là, on a vu que même CO, il a été double champion, il a été champion du monde dans les deux tableaux, mais il a vite arrêté parce que même lui ne tenait pas. Benoît, lui, maintenant, pour avoir Anoukro, on louait le fait qu'il se mette, il se remette au double homme, mais peut-être que, enfin, là, physique, et pour un mec qui mise autant sur sa vivacité, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Je pense que physiquement, en fait, il est un peu à la ramasse. Ouais, c'est une analyse vraiment intéressante parce que pour le coup, tu parles de CO, qui à mon avis est le meilleur joueur du monde en double chez les mecs actuellement, peu importe le tableau, et qui avait quand même... Alors, évidemment que c'est exigeant et tout, mais je pense que CO mise moins sur son niveau physique que ne le fait pour avoir un Ukro, et pourtant, il y a eu ce choix de la Corée alors que le gars, il venait d'être double champion du monde. Donc ouais, on était nous enthousiastes en tant que fans de BAD, maintenant peut-être que c'est pas une bonne chose, et que en plus quand t'es un mec comme quoi pour avoir un Ukro et que t'as autant besoin de ton corps, c'est trop. Ouais, surtout qu'en plus, ça aussi ce sera un sujet pour un futur épisode, mais avec des calendriers qui se remplissent de plus en plus, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de jouer deux tableaux et d'être performant sur les deux, parce que là tu vois, genre ça fait ils ont eu une semaine de pause entre les mondiaux, après les mondiaux, et là ça reprend déjà, donc je pense qu'en une semaine, en plus où t'as voyagé en Europe et t'es revenu en Asie, c'est pas en une semaine que t'as le temps de recharger beaucoup les batteries, donc... c'est des sujets pour des futurs épisodes, en tout cas. Dans ce tableau de mix, pas de Tom et Delphine, hein, sinon on en aurait déjà parlé. Ils joueront la semaine prochaine en Chine, mais ils avaient skippé celui-ci. Benoît, je voulais te parler de Yuta Watanabe, parce que toi et moi... Il a gagné des matchs. Et voilà, et toi et moi, on l'a côtoyé dans la salle de presse des Mondiaux toute la semaine, parce qu'il était là pour commenter, je pense. On a vu à quel point il était beau gosse et tout. Mais bon, on préfère quand même le voir sur un terrain plutôt que habillé en civil, quoi. Et effectivement, il a gagné des matchs en plus, puisque il ne jouait pas avec Maya Taguchi, qui est, je crois, toujours blessé. Il jouait avec, j'ai envie de dire, la remplaçante de luxe de la fédé japonaise, la pompière de service, de grand, grand luxe quand même, parce qu'on parle d'une championne olympique, Misaki Matsutomo. Et ils avaient déjà joué ensemble... Je sais plus où, ils avaient battu Tom et Delphine, ça je m'en souviens très bien pour le coup. Là, ils ont passé 3 tours en battant Liu Zheng, les Taïwanais, puis une autre paire taïwanaise, Ye Chan, Toft Magalun, les champions d'Europe, dans une victoire qui est un peu plus significative que leurs deux premiers tours gagnés, avant de perdre en demi-finale assez sèchement et logiquement contre les futurs vainqueurs Feng Wang, 21-14, 21-13. Benoît, moi, je les ai vus pas mal jouer cette semaine, notamment contre Toft Magalun, parce que j'étais assez curieux de voir ce que ça allait donner. Et autant j'avais été même un peu, pas sévère avec eux, mais même le tournoi, ce fameux tournoi où ils avaient battu Tom et Delphine, c'est pour ça que j'avais un peu critiqué les Français, parce que j'avais dit, bon, en plus en face, ça joue pas très bien. Là, je trouve quand même beaucoup plus en place les Japonais. Je sais pas s'ils vont continuer à jouer ensemble, parce que... Je, honnêtement, je pense pas, peut-être sur cette tournée, mais voilà, Matsutomo, elle a 33 ans, et je pense pas que. Je pense que du côté japonais, avec Watanabe, on veut une joueuse plus jeune. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je les trouve beaucoup plus en place, et j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Ça fait plaisir de revoir ces deux joueurs que j'aime bien individuellement, ça fait plaisir de les voir performer un peu. Ouais, pareil, je me souviens qu'on avait dit d'ailleurs le match contre Tom et Delphine que c'était même pas deux paires du top 30 mondial qui s'affrontaient en termes de niveau à l'instant T. Donc ouais, on avait été dur, mais parce que c'était vraiment un match moisi. J'allais essayer de peser mes mots, mais non, c'était pourri dans mes souvenirs, vraiment. Ouais, on est content pour Watanabe. Maintenant, ça pose quand même pas mal de questions. Maya Taguchi, elle est derrière sa télé, là. Alors, à part aller en finale sur des tournois au Sri Lanka, finalement, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis un an ? Pas grand-chose, et quand on voit ça, c'est quand même compliqué. Alors, même s'ils la mettent avec une joueuse plus jeune, est-ce que Taguchi, sa chance, elle n'est pas passée de fou, malgré la blessure et le fait que là, bah, elle ne peut pas se défendre, mais finalement, elle a eu du temps, quoi. Bah ouais, c'est vrai que c'est ce que je me demande aussi, ouais. Ça pose clairement question, parce que même si là, voilà, elle est blessée, c'est pas Watanabe le problème. Ces derniers temps, voilà. Après, ben non, on savait que ça allait prendre du temps. Tu la mets avec une joueuse, tu la mets avec une joueuse aussi jeune, on savait que ça allait pas se faire tout de suite. Mais là, effectivement, je me demande un peu ce qu'ils vont faire de Watanabe, parce que lui-même, son prime, je sais pas s'il est passé ou quoi, mais il a encore, tu vois qu'il en a encore sous la semelle, donc il faut lui mettre une joueuse avec qui, Watanabe il a 28 ans, il faut lui mettre une joueuse avec qui il peut performer maintenant, pas dans 4 ans quoi. On n'attend pas que les JO de Los Angeles soient passés pour que Watanabe puisse à nouveau gagner des titres. Donc je pense que les coachs de la fédération japonaise ont de quoi se gratter la tête et de quoi réfléchir. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce double mixte ? Non, je pense qu'on a bien parlé de tous les sujets qu'on voulait évoquer, non ? Je pense aussi, Benoît, juste pour conclure, on se disait un 5 sur 5 de la Chine, un peu rétro comme tableau des médailles. Ouais. On le voit de moins en moins. Tu me disais que la dernière fois, c'était sur le Super 100 en Chine, justement, l'année dernière, mais c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. En même temps, comme je te le disais, ils n'arrivent pas à gagner un titre en double homme, donc ça n'aidait pas non plus à faire le 5 sur 5. De bon augure pour la Chine avant le China Masters à la maison cette semaine. De bon augure, et si je puis me permettre d'une petite théorie, je pense qu'Hong Kong ça serait bien passé, très honnêtement. Ça c'est plutôt le Benoît politique qui parle et pas le Benoît 21 Shuttle. Mais je pense aussi, c'était une de mes théories, que la Chine vient quand même avec une très grosse équipe, parce que la politique chinoise passe aussi beaucoup par le sport, et tu vas faire un 5 sur 5 sur un tournoi à Hong Kong. Le message envoyé, je pense qu'il ne fait pas plaisir à tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais tu fais bien de le dire, parce qu'au final, le seul qui a eu son ticket pour les vacances, c'est Shiyushi. Le reste, la Chine a avancé avec ses forces vives dans tous les tableaux, je l'ai dit, notamment avec Liu Tan, qui pourtant, elles, sont championnes du monde. Alors que les autres, tu vois, alors je comprends que Feng Wang, on les a remis au travail tout de suite. Pareil pour Liang et Wang. Mais seul Shiyushi, dans les favoris chinois, n'était pas présent. Il sera bien là la semaine prochaine, puisque dans ce 750 en Chine, tout le monde sera là. Et après, il nous restera deux 750 au Danemark et en France. Ça, ce sera en octobre, ça va arriver très vite. Bref, la saison, il reste encore un peu de temps et pas mal de gros titres à aller chercher. Et évidemment, on va de plus en plus suivre les qualifications pour les World Tour Finals, puisque ça se finit, je crois, en novembre, cette période de qualification. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci à toi comme toujours et merci à vous pour votre écoute. Et là vous vous dites peut-être qu'on s'est concentré que sur Hong Kong et qu'on n'a pas parlé de tous les résultats français dans le monde, puisqu'il y avait énormément de tournois dans le monde. Je parle notamment du tournoi en Belgique, du tournoi au Costa Rica, des mondiaux vétérans, du tournoi en Lituanie. Et ben on va vous parler de ça sur YouTube dans une petite vidéo qui sort lundi après-midi. Vous l'avez peut-être déjà vu passer ou vous pouvez aller la voir si vous voulez voir tout ça. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le China Masters. Ciao! Thank you.